Chapitre 6e. Le gong annonça le sixième round, et les deux hommes, le corps encore ruisselant, vinrent à la rencontre l'un de l'autre. Bunta ne se tenait pas d'avoir son homme, à ce point qu'il fit à lui seul les trois quarts du chemin, mais Joe était revivifié. Il bloqua plusieurs mauvais coups, et en assena un à Bunta, qui l'envoya chanceler à bonne distance. Son premier mouvement fut de le suivre et de réitérer, mais sagement il s'abstint. Il se contenta de se couvrir et de bloquer le tourbillon de coups que le sien avait déchaîné. La lutte, en apparence, recommençait semblable à ce qu'elle était au début, Joey se gardant et Bunta attaquant. La situation en réalité se modifiait visiblement. Les choses étaient loin d'aller tout seul pour Bunta. Ses assauts féroces n'atteignaient pas leur but ou l'atteignaient mal. Rarement son poing parvenait jusqu'à Joey. Celui-ci, au contraire, frappait peu, mais presque à coup sûr. La brutalité native de Bunta en était fort tempérée. Il sentait qu'il ne pouvait plus s'abandonner aveuglément à son instinct de destruction. Joey se faisait maintenant respecter. Puis tout à coup, avec le 9e round, un changement complet survint dans le combat. L'assistance en aperçut immédiatement et il n'échappa point non plus à Geneviève. Joey prenait l'offensive. C'était lui qui, dans les corps à corps, abattait son poing au bas du dos de Bunta et en atteignait durement ses reins. Chaque fois qu'il s'étreignait, Bunta n'y échappait point. Était-il face à face, il lui expédiait dans l'estomac des uppercuts formidables ou des crochets à la mâchoire ou des directs sur la bouche. Puis, dès qu'en réplique Bunta se muait en tourbillon, il n'insistait pas, sautait lestement de côté et se couvrait. Deux rounds, puis trois, se déroulèrent sans que Joey parvint à user complètement Bunta. Il s'y employait inlassablement, poursuivant à son tour sans aucun répit cette force énorme qui faiblissait. Il faisait précéder chacune de ses attaques d'un battement sur la toile du ring de son pied gauche. Tap, tap, tap. Il n'était personne qui n'entendit. Puis un bond en avant, un coup frappé, ou même plusieurs, et un autre bond en arrière, et le tap, tap, tap recommençait. Chaque fois que Bunta tentait de réagir, Joe se couvrait, puis tap, tap, tap, il reprenait sa poursuite. À ce jeu, Bunta faiblissait peu à peu. Pour le public, le sort désormais en était jeté. « Bravo, bravo, Joey !» criait la foule en extase devant son champion aimé, et les nazis crépitaient à l'adresse de Bunta. « On t'avait bien dit de le bouffer, tu ne l'as pas fait, c'est lui qui te bouffera, ceux qui ont parié pour toi sont volés !» Lors des repos, les secondes de Bunta se multipliaient, ils s'efforçaient, avec une confiance d'instant en instant diminuée, de ravigorer leur homme. Mais ils n'échappaient pas à Geneviève, collée à son boyeur, que leur mine s'allongeait. Elle entendait durant ce temps le jeune homme pâle dire à mi-voix à Joey « Tu l'as pour de bon, cette fois, mais ne te hâte point, mets-y le temps qu'il faudra. Je l'ai déjà vu à l'heure. Il a toujours en réserve pour la fin un coup inattendu. Je l'ai vu, déclaré knock-out, continuait encore à frapper. Cela s'est passé ainsi avec Mickey Sullivan. Mickey Sullivan l'avait mis à terre 6 fois de suite, le redescendant 6 fois à mesure qu'il se relevait. La 7e fois, croyant que Bunta était fini, il négligea de se couvrir. L'instant d'après, il écarquillait des yeux ébahis en se demandant ce qui lui était advenu. C'était Bunta qui l'avait atteint la mâchoire et d'un tel coup que Mickey Sullivan en resta sur le carreau. « Prends bien garde, Joey, qu'à cette bourse il ne recommence avec toi. Ce serait, tu comprends, terriblement bête. J'ai misé sur toi, cela va de soi et tu gagneras, j'en suis certain. Mais tant que je n'aurai pas mon argent en poche, je ne pourrai pas dire que j'ai gagné. » « Oui, oui, je sais, » répondit Joey en hochant la tête. « Je ne le tiens pas encore, mais cela va venir, je l'espère du moins. » Lorsque le gong sonna pour la reprise, Bunta avait été, par ses soigneurs, copieusement aspergé. Tandis qu'il s'avançait dans le ring, l'un d'eux le suivit, tenant en main une bouteille d'eau supplémentaire qu'il voulait lui vider sur la tête. Mais l'arbitre lui commanda d'un ton impérieux de quitter le terrain au plus vite. Il obéit précipitamment, en lâchant la bouteille, qui roula sur elle-même, l'eau s'échappant du goulot, en gargouillant. L'arbitre, d'un rapide coup de pied, l'envoya sous les cordes. Geneviève avait pu lire sur le faciès mobile de Joey toutes les phases successives du combat. Son visage avait, au début de la rencontre, conservé son air charmant et gamin. Lorsque l'avalanche des coups frappés par Bunta était devenue plus redoutable, il s'était attristé et assombri, puis angoissé lors des corps à corps, tandis que Joey jouait le tout pour le tout. Maintenant qu'il était tiré d'affaire et avait pris la maîtrise de la lutte, sa figure s'était à ce point transfigurée que Geneviève en fut effarée. L'homme d'acier, déjà entrevu par elle, avait reparu. Front d'acier, Bouche d'acier, yeux d'acier, il y avait en Joey de l'archange exterminateur, impassible instrument des décrets de Dieu. Bunta essaye encore de jouer de sa méthode favorite et de frapper en tourbillon, mais il avait perdu tout mordant. Joey, au contraire, frappait net et sec, traquant Bunta sans relâche et le faisant reculer devant lui. Le 13e round se termina par une déroute complète de Bunta. Acculé dans un des angles du ring, il tomba à genoux, essaya de se redresser et de se réfugier dans un corps à corps qu'il manqua. Il s'effondra littéralement à la renverse dans les bras de ses seconds accourus en hâte. Joe vint rejoindre son coin et dit au jeune homme pâle « Maintenant je le tiens ». « C'est aussi mon avis, » répondit l'autre, « c'est couru, à moins toujours d'un coup imprévu. Jusqu'à la fin, méfie-toi Joey. » À peine le gong eut-il tombé pour le 14e round que Joe s'est lancé comme une catapulte et tombait sur Bunta, encore assis sur son tabouret au milieu de ses seconds. À la fois grotesque et héroïque, soufflant et gênant, les yeux vitreux, Bunta, qui ne semblait plus tenir debout et avait l'allure oblique d'une bête traquée, accepta pourtant la bataille. En un clin d'œil, il fut mis en fuite par Joey, qui reprit sa poursuite. Le dénouement approchait. De son poing levé, paré à une massue, Joey allait assommer son adversaire et le mettre knock-out, lorsque, sur la toile mouillée, son pied glissa. Bunta, d'un éclair de ses prunelles battues, saisit la chance inattendue qui s'offrait à lui. Il rassembla tout ce qui lui demeurait de force, et tandis que Joe culbutait, il lui asséna sur l'extrémité du menton un coup rapide et sûr. Joey bascula en arrière, Geneviève vit ses muscles se détendre et perçut le choc de sa tête sur le sol. La clameur frénétique de la salle se tut comme par enchantement. L'arbitre, penché sur le corps inerte de Joey, comptait les secondes. Épuisé par l'effort surhumain qu'il avait fourni, Bunta était presque aussi mal en point. Le coup porté, il avait chancelé du choc en retour et avait fléchi sur ses genoux. Il réussit pourtant à se mettre debout et se maintint sur ses pieds en balançant son corps pour trouver son équilibre. Ses jambes flageolaient, il étouffait et haletait. Ce ne fut qu'en s'agrippant aveuglément aux cordes qu'il évita une nouvelle chute en attendant que l'arbitre eût compté la fatale 10e seconde et le proclamait vainqueur. L'annonce de sa victoire n'obtint de la foule atterrée aucun applaudissement. Si les quelques spectateurs qui avaient misé sur lui s'étaient laissés aller exprimer tout haut leur joie, ils auraient été écharpés. Bunta se retira donc au milieu d'un complet silence, soutenu sur les bras par ses seconds et crachant en public muettement sa haine. Joey était resté où il était tombé. Ses seconds vinrent le chercher et l'assirent sur son tabouret, tandis que, repoussé violemment par les policemen aussitôt alertés, le public tentait d'envahir le ring. Geneviève, l'œil collé à son voyeur, regardait. Elle n'était pas autrement troublée de ce qui était advenu. Son amoureux avait été mis knock-out. Par sympathie pour lui, elle partageait son désappointement, mais c'était tout. À son point de vue personnel, elle éprouvait même une certaine satisfaction. Le jeu du ring, si cher à Joey, l'avait trahi, et plus sûrement Joey lui appartiendrait désormais. Il lui avait souvent expliqué ce qu'était un knock-out, et elle n'ignorait pas qu'un certain laps de temps est souvent nécessaire pour s'en remettre à celui qui l'a subi. Elle ne commença à s'effrayer qu'en entendant les secondes de Joey réclamer l'intervention du médecin. Le prenant par les pieds et par les épaules, ils l'emportèrent hors du ring et il disparut de son cercle visuel. Moins de 2 minutes après, la porte de la pièce où elle se trouvait s'ouvrit et Joey fut déposé sur le plancher poussiéreux, la tête appuyée sur le genou d'un des hommes. Personne ne s'était occupé d'elle. Elle s'approcha et s'agenouilla près de Joey. Ses yeux étaient clos et ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Trempée d'eau et de sueur, ses cheveux étaient collés en longues mèches sur son visage. Elle souleva une de ses mains, elle était lourde, étonnamment, et elle lui parut tragiquement inerte. Alors, elle reporta vivement son regard vers les gens qui l'entouraient et qui entouraient Joey. L'inquiétude était peinte sur tous ses visages. Un des hommes proférait, à voix basse, d'horribles jurons. Elle reconnut Silverstein. Le petit juif, s'apercevant de la présence de Geneviève, alla vers elle. Il lui met la main sur l'épaule et la lui serra dans ses doigts en une pression de sympathie. Cette pression muette l'affola et elle sentit soudain tournoyer sa tête. Il y eut à cet instant un grand tumulte et un nouveau personnage entra. « Tous dehors! Dehors tous !» criait-il d'abord. Quelques-unes des personnes présentes obéirent en silence, d'autres demeurèrent avides de savoir. « Et vous, qui êtes-vous » demanda-t-il brusquement à Geneviève. « Aussi vrai que je vis, vous êtes une femme !» Le jeune homme, qu'elle avait introduite à son arrivée et qu'elle reconnut bien, intervint. Il répondit pour elle, « C'est sa fiancée. »« Ça va, ça va. Et celui-là » demanda l'homme de l'art en désignant du doigt Silverstein. Je suis avec elle, expliqua le petit juif. Le jeune homme intervint une seconde fois. C'est son patron, laissez-le. Le médecin grogna et s'agenouilla. Il passa la main sur la tête humide de Joey, grogna de réchef et se releva. « Ceci n'est pas de mon ressort, » déclara-t-il. « Faites venir l'ambulance. » Il sembla à Geneviève qu'à partir de ce moment, elle perdait la notion précise des choses. Elle sentit, comme dans un rêve, Silverstein lui passer le bras autour de la taille et la soutenir comme si elle était prête à s'évanouir. Les visages qui l'environnaient lui paraissaient irréels. Des fragments de conversation parvenaient à ses oreilles et la terrifiaient. Le jeune homme qui était intervenu pour elle s'entretenait avec les reporters, qui crayonnaient sur leur calepin, elle ne savait quoi. Elle entendit vaguement Silverstein lui demander « Désirez-vous, Geneviève, que votre nom figure demain dans les journaux ?» Elle secoua la tête. Puis d'autres visages firent irruption dans la pièce et elle vit qu'on emmenait Joey sur une civière. Après quoi Silverstein s'avança, lui boutonna son grand manteau et en releva le col autour de la tête. Elle sentit peu après la fraîcheur de l'air nocturne et, levant les yeux, elle vit au-dessus d'elle les claires et froides étoiles. Une voiture était là. Elle y monta et s'écrasa sur une banquette. Silverstein était toujours près d'elle. Joey aussi, immobile sur sa civière, des couvertures jetées sur son corps nu. Un homme en uniforme bleu lui parlait doucement, mais elle ne comprit pas ce qu'il disait. Les sabots des chevaux résonnèrent sur le pavé. Elle eut conscience de rouler quelque part dans la nuit. Se firent ensuite de la lumière, des voix, une odeur d'iode. Elle pensa que ce devait être l'hôpital. Les voix étaient celles du chirurgien et de ses aides. Ils examinaient Joey, étendu sur une table. Le chirurgien, un homme aux yeux noirs, à la barbe sombre et à l'accent étranger, qui était penché sur la table, se redressa. « Le cas est rare, » dit-il, « et exceptionnellement grave. Tout le derrière du crâne a été défoncé. » Geneviève sentait que ses lèvres étaient sèches et brûlantes. Une douleur intolérable l'étreignait à la gorge. Mais pourquoi ne pleurait-elle pas? Elle aurait dû pleurer, et cependant, elle ne pleurait pas. Puis son rêve prit un nouvel aspect. Lottie était présente de l'autre côté de l'étroite couchette où était étendu Joey et pleurait. Elle aussi maintenant pleurait abondamment. Quelqu'un parlait du coma, de la mort. Ce n'était pas le chirurgien à l'accent étranger, mais un autre homme, d'ailleurs peu lui importait, qui avait parlé. Quelle heure pouvait-il être? La faible lumière de l'aube, en blanchissant les vitres, parut avoir entendu sa question et y répondre. « C'est aujourd'hui, dit-elle à Lottie, que je devais me marier. Mais de l'autre côté du lit, la sœur de Joey gémissait à fond dans l'âme. « Taisez-vous, Geneviève, taisez-vous, au nom du ciel !» Puis se couvrant le visage, Lottie s'était remise à sangloter. Alors c'était bien la fin de tout, la fin des tapis, des meubles, de la petite maison prise en location. La fin des rencontres et des promenades, des nuits frémissantes dans le parc de la ville, sous la lueur des astres. Adieu les délices de s'abandonner à un autre être, la joie d'aimer et de se sentir aimé. C'était le jeu du ring qui avait voulu cette catastrophe. Pourquoi étendait-il ainsi sur les âmes des hommes son effroyable emprise, ses risques, ses hasards et toute sa cruelle ironie? C'était lui qui empêchait l'homme aimé d'être tout entier à celle qu'il aimait. De la femme qui avait rêvé d'entourer à jamais son mari de soins maternels et dévoués. Il ne faisait plus qu'un passe-temps. Quand il avait mis sur quelqu'un son emprise mystérieuse, le ring maudit, occupait la pensée de ses jours et de ses nuits, détournait tous les sorts et toute la fougue de son être, aspirait tous les désirs de son cœur. Geneviève sentit que Silverstein l'aidait à se redresser. Elle se laissa faire aveuglément. Puis il prit son bras et la conduisit vers la porte. « Pourquoi ne l'embrassez-vous pas ?» cria Lottie avec passion, en tournant vers elle ses grands yeux profonds et tristes. Geneviève se pencha, docile, vers l'argile immobile qu'était Joey, et pressa ses lèvres contre les lèvres encore tièdes. Puis elle sortit et trouva dans l'antichambre Mrs. Silverstein, venue la chercher, qui l'attendait. Lorsque la bonne dame l'aperçut, dans ses habits d'homme, ses petits yeux bridés clignotèrent de colère. Vainement, Silverstein jeta son épouse un regard suppliant. Elle éclata brusquement. « Ah, je te l'avais bien dit, petite folle. Je t'avais prévenu que t'étais à coquiner un propre à rien, une jeune fille comme il faut, un combat de boxe, en ce costume, c'est du joli. Oh, la garce !» Mais Silverstein ne put en dégoiser davantage, car un flot de larmes lui jaillit des yeux et lui coupa la parole. Étendant ses bras courts, risibles mais touchantes, elle courut vers la jeune fille qui demeurait sur place comme hébétée et la serra contre sa poitrine. Puis, tout en murmurant des mots inarticulés de consolation et de tendresse. Elle se mit à la bercer doucement, comme une mère fait de son enfant, lui caressant le visage de ses grosses mains aux doigts pareils à des boudins. Ainsi s'achève Le jeu du ring par Jack London,